Donc on va passer à la quatrième intervention de la journée. Ça reste un petit peu finalement dans les mêmes thèmes, toutes ces interventions. Parce que là, c'est Hervé qui va venir nous parler de reprendre le pouvoir de façon pacifique. Donc ça, voilà, on a eu pas mal ça qui est venu aujourd'hui sur les luttes et de quelle façon est-ce qu'on peut, à Nuit Debout ou ailleurs, reprendre le pouvoir. Est-ce que tu veux un tabouret peut-être? On en a un là, hein, si tu veux. Comme ça, tu peux être à l'aise. Voilà. Et donc je te donne la parole, voilà, je te laisse présenter un petit peu ton truc et puis ensuite on va faire un débat. Merci. Alors bonsoir tout le monde, je tenais à vous remercier personnellement que vous soyez tous présents pour écouter un petit peu. Le sujet, c'est la nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'en tant que peuple on veut vraiment? Donc étant donné que j'ai une petite déficience de mémoire, j'ai dû écrire, me forcer à écrire ce que je devais vous dire. Ça vous va? Ça vous convient? Bien. Alors, objet, c'est la création et l'organisation indépendante, je dis bien, une création d'une organisation indépendante pour l'intérêt du peuple. Avec les moyens juridiques indépendants, les conseillers juridiques indépendants, des juges indépendants, des avocats indépendants. Pourquoi? Parce que sans le soutien de la justice, on ne pourra pas avancer. On ne peut pas, en tant que peuple, refaire, par exemple, un mai 48 dans la violence, dans l'agitation. Justement, c'est ce qu'ils attendent. Il ne faut pas. Lorsqu'on sollicite quelque chose, lorsqu'on veut quelque chose, on peut l'avoir dans le calme, dans la dignité humaine, sans pour autant faire des dégâts sous la voie publique. Ça ne sert à rien parce que ça n'avancera pas. Si on veut vraiment que l'objectif avance dans l'intérêt commun et pour tout le monde, il faudrait que, bien sûr, si un jour on serait présent sur la place de la République, qu'on puisse donner l'exemple, puisse demander, solliciter un changement dans la pacificité. Ça ne sert à rien de lever le doigt, de crier. Au contraire, justement, ça ne servira à aucun moment. Donc, je continue. Des écrivains et des philosophes, des artistes militants pour l'intérêt du peuple. Création d'un débat télévisé sur une chaîne publique. Pourquoi? Parce que tant qu'on va discuter entre nous, ça va rester là, justement, avec nous. Mais par contre, si c'est un débat qui est porté sur une chaîne télévisée, on va dire une chaîne indépendante, avec des journalistes indépendants qui défendent justement le sujet, c'est quoi? C'est demander justement au Parlement qu'il inscrit une loi permettant à tout le peuple du territoire national de voter pour un référendum, si on le souhaite, et dans quelles conditions? La nouvelle constitution. Faire une demande au Parlement pour une proposition de loi de vote par référendum et une nouvelle constitution, ça je vous l'ai dit. Un vote par référendum pour la réquisition de tous les organes d'État qui fait la République. Ça veut dire, à partir du moment que c'est réquisitionné avec le soutien juridique, avec les lois de la République, ça ne pourrait que se faire dans ce sens. Il ne s'agit pas d'arriver sur place, virer tout le monde et prendre la place, mettre des personnes qui ont des compétences, bien sûr, mais c'est pas comme ça que ça devrait se passer, si on veut vraiment qu'il y ait un changement. La mise en place d'un gigantesque rassemblement ici, à la place de la République. L'objectif, c'est quoi? C'est de partir, justement, devant tous ces ministères, ces organes qui font la République, les réquisitionner et transférer les pouvoirs au peuple. C'est ce que je pense personnellement. La suite. Un objectif, C'est une marche silencieuse dans le respect et la dignité des citoyens, dans le calme et sans violence. Mettre en place une organisation pour la réquisition de tous ces organes d'État en même temps. Ça va être une révolution. À partir du moment que la justice de la République a donné par décret son feu vert, et à partir du moment qu'on constate que des hommes politiques qui sont chargés de représenter le peuple, de servir le peuple, et au lieu de ça, se servent sur un point personnel, l'enrichissement, malversation, abus de pouvoir, j'en passe, c'est les meilleurs. Et bien justement, ces personnes doivent être traitées devant la justice, traînées devant la justice de la République. Pourquoi ? Un exemple tout simple. Il nous est tous arrivé ici, dans ce monde, d'être locataire. Lorsque vous êtes locataire et que vous ne payez pas votre loyer, on réquisitionne la loi pour vous déloger. Et en plus, si vous êtes fautif, vous passez devant un tribunal. Et au même titre que ces personnes à qui la République, les citoyens ont fait confiance depuis des années, je dis bien depuis des années, moi qui suis sur le territoire national, ça fait un petit moment et je respecte ce pays. Pourquoi ? Parce que j'estime que c'est un très bon pays d'accueil. C'est un pays des droits de l'homme. C'est un pays où on peut s'exprimer dans la démocratie. On peut communiquer. On a tout ici. Il y a tout ce qu'il faut. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'une fois que les hommes politiques ont été désignés par le peuple, ils sont au pouvoir, ils réquisitionnent la République et ils le mettent dans leur poche. C'est ça qu'il faut prendre conscience. En fait, je pense que chacun d'entre vous, on ne doit pas rester passif, on doit être actif. Être actif, déjà, c'est donner ses idées, expliquer ce qu'on pense de manière à véhiculer, à faire partie d'un maillot qui va solidifier cette chaîne qui nous permet de vivre tous ensemble. Et pour terminer, je dirais, quel est l'intérêt national ? L'intérêt national, pour moi, à mes yeux, elle coule de sens. On devrait donner du travail à tous ceux qui en ont réellement besoin. Comment cela se fait-il qu'une personne qui travaille, qui a un poste, qui rentre chez lui, est normal, et alors qu'on a des députés, des représentants, des ministres qui cumulent des fonctions, alors que le chômage n'arrête pas d'augmenter. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, moi, je serais pour, à partir de maintenant, qu'on puisse mettre en place cette organisation pour mettre en place ce projet. Parce que ça va mettre... Peut-être je ne serai plus moi en tant que personne vivant parmi vous, mais l'idée, elle est déjà là. C'est au peuple, dans le bon sens du terme, avec les moyens efficaces, le soutien et l'accompagnement de la justice de la République, il y a comme ça qu'on pourra y arriver en tant que citoyen et réclamer ce que l'État devrait être au service de la population et non pas autrement. Parce qu'une fois qu'ils sont sur place, comme je l'ai dit, je le répète, et je passerai le micro après aux personnes suivantes, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils réquisitionnent la République. Ils votent des lois entre eux pour se protéger. Et en plus, on nous demande à nous de vider notre porte-monnaie pour payer nos impôts. Ok, mais pour que ce soit la même loi pour tout le peuple. Il ne devrait pas y avoir des ministres jurant la main au lever. Non, monsieur le président, j'ai pas de compte à l'étranger. Alors que moi, si je paye mes impôts en retard, on me tape 10% direct. On m'envoie un courrier qu'on croit que mon compte est bloqué. Pourquoi on devrait pas faire pareil pour ces personnes-là? C'est important. À partir du moment qu'un homme d'État, un représentant de la République, ministre ou pas, député, parlementaire ou pas, à partir du moment qu'ils ont failli, on doit les traiter comme tous les citoyens, devant la justice et en prison. Et ils continuent à parader en costume cravate. Et quelle est la moralité de tout ça? Et comment peut-on dire aujourd'hui aux Français de faire des efforts? Ça ne peut pas fonctionner. Donc, à un moment donné, il faudrait que chacun d'entre nous soit actif et non pas passif à regarder l'information ou à écouter l'information, que ça rentre par là, ça sort de l'autre côté sans bouger. Et puis en même temps, en restant chez soi, en râlant, en disant « Ouais, c'est pas normal. » C'est aux citoyens, c'est à nous de réagir. Voilà ce que j'avais à dire et merci tout le monde de m'avoir écouté. Ouais. Merci beaucoup pour ton intervention, parce que effectivement, ça, quand tu le dis, ça paraît très, tout paraît très logique et très, voilà. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai entendu aussi comme ça, très, de manière très logique, très normale, enfin, pas normale justement. Du coup, si on va passer aux questions, aux réactions. Si vous avez des questions à ce sujet ou des réactions, je vous levez la main, je vous passe le micro à votre tour, il n'y a pas de souci. Donc, Jérôme. Ouais, merci pour ton intervention, c'est super, vraiment. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et en fait, vu que je pense pareil, je me pose la question, mais pourquoi du coup les gens ils bougent pas ? Et est-ce que toi tu, enfin, quel est ton avis là-dessus ? Pourquoi à ton avis, quand tu parles de ça là aujourd'hui, bon bah il pleut, il fait froid, ok, d'accord, mais on est quand même pas beaucoup, enfin on est vraiment pas beaucoup. Tu vois ce que je veux dire ? Et nuit debout, bah il y a personne donc. Alors moi je vais vous donner mon avis, elle est simple. On est une société qui a évolué et aujourd'hui on a basculé dans l'individualité. À regarder autour de vous. Chaque personne qui a un téléphone, qui a un iPhone, on l'a tête baissée. Au lieu de faire attention, de regarder ce qu'il y a autour d'eux, échanger avec les personnes, avoir des idées. Non, ils s'enferment dans une idée personnelle. Tout devient individualiste. À cause de quoi ? À cause de la concurrence, à cause des personnes qui détiennent des capitaux. Et ces capitaux, en fait, ils jouent avec la pauvreté de la société. Soit en spéculant sur un produit, soit en faisant en sorte de freiner la cadence d'une industrie quelconque qui a un intérêt quelconque pour le peuple. Toutes ces personnes, en fait, participent que l'individu bascule dans l'individualité. Et à un moment donné, il faudrait qu'on se pose la question, étant donné qu'on défend des valeurs importantes, est-ce qu'il n'est pas important de se retrouver à partager cette valeur humaine, cette valeur qui est importante? On est des humains, on n'est pas des animaux, on peut, en mettant des efforts, on peut s'y entendre, on peut serrer main dans la main, même les personnes qu'on ne connaît pas. On devrait justement aller se rencontrer et discuter, partager, communiquer, améliorer les choses. Non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comme un spectacle la guerre qui se passe à l'étranger, le corrompu qui se fait attraper et qui dit « Ouais, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, j'ai jamais fait ceci, j'ai jamais fait cela. » Les Français ont basculé dans cet état d'esprit. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Mais comment peut-on aujourd'hui attirer la conscience du peuple ? Ben justement, il y a des philosophes, que j'y crois, il y a des écrivains, il y a des artistes engagés. Et tant que ces personnes ne seront pas réunies, et qui ne sont pas réunies, et tant qu'on n'aura pas diffusé ces informations sur une chaîne publique, pour que la France entière entende de ses oreilles ce qui se passe, et non pas le spectacle que les politiciens mettent en avant en choisissant les chaînes, en choisissant les journalistes qui vont leur poser la question. Justement, c'est pour contourner. Pour pas qu'on les accuse, pour pas qu'on leur montre, on met le doigt sur leurs difficultés, leurs défaillances, et à mon sens, ils sont tous justiciables. Ils ont tous quelque chose à se reprocher de la République. Ils ont tous menti au peuple, que ce soit, je fais pas de politique, je connais pas grand chose, voilà. Mais je dirais une chose, depuis que je suis moi sur le territoire national, je vois que les Français partagent leurs émotions pour la droite, il y en a qui partagent leurs émotions pour la gauche. On a tout essayé, rien n'a marché. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils s'installent, ils s'approprient la République, en fait. Et ils ne sont pas là pour servir la cause du peuple, ils ne sont pas là pour être utiles à la population, ils ne sont pas là pour favoriser la population, ils sont là justement pour s'enrichir. Quels que soient les ministres, quels que soient les hommes qui ont été corrompus dans ce système, j'ai dit que la loi de la République doit les rattraper, les insinuer devant un tribunal, que ce soit de la justice ou un tribunal civil. On devrait les mettre en prison. Et en faire un exemple. Parce que, au jour d'aujourd'hui, très peu de Français le savent. Il y a deux justices dans cette République. Une justice qui punit les pauvres, et une justice qui protège les riches, qui protège les intérêts de celui qui a des capitaux, celui qui peut décider comment demain on va évoluer dans une société ou comment vivre dans une société. Non, on doit vivre selon nos ambitions, selon nos ressentis, selon nos besoins, selon nos émotions. C'est comme ça que je vois les choses et pas autrement. Non, parfait, merci. Du coup, il y a déjà 3 tours de parole, donc ouais, il y avait juste un tour de parole avant toi, Seb, et après, il y a quelqu'un après toi. Du coup, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez parler, parce qu'il faudra attendre un peu après. Oui, tout à fait d'accord sur l'aspect de l'individu, où en fait, du coup, les gens sont habitués à penser d'abord à leur propre confort, avant de penser à comment ça fonctionne autour, et donc ils se disent, ah là, ça va pas dans ma vie, mais... Plutôt que de se rendre actif de sa vie, c'est comment je fais pour améliorer juste mon quotidien sur ce petit truc-là, qu'est-ce que je peux récupérer pour moi, quitte à le prendre aux autres d'ailleurs, parce que tant qu'à faire, on a appris que quand on récupère quelque chose, ça va faire perdre à quelqu'un d'autre, ou mais vaut mieux que moi j'en récupère plus que l'autre. Donc il y a quand même ça qui est pas mal en jeu. Peut-être un point sur lequel je suis pas d'accord avec toi, quand tu dis qu'on a déjà tout en fait pour que ça fonctionne, il faut juste qu'on le mette bien en place. Je pense que typiquement l'institution de la 5e République, enfin la façon dont le gouvernement fonctionne, favorise ce que tu dis, c'est-à-dire que quelqu'un arrive au pouvoir et du coup fait jouer ses propres intérêts. Et là je pense que certes on a une justice qui... D'ailleurs, on le voit bien maintenant, on va rarement attaquer directement la justice. On va attaquer la police, on va attaquer les banques, on va attaquer... Mais la justice, elle a quand même quelque chose sur lequel il me semble qu'on peut s'appuyer. Mais je pense que l'institution au niveau du gouvernement, là, il faut vraiment plutôt qu'on fasse sans, plutôt qu'on essaye de leur demander, mettez en place ce qu'on veut faire, s'il vous plaît. Non, je pense que le gouvernement, on doit s'en passer, mais par contre, la justice, on peut s'appuyer dessus. Tu veux répondre directement ou laisser la parole? Ok. Seb? Moi, je vais revenir sur ce que tu disais, l'ancien, par rapport à quand on te regarde dans la rue, que tu demandes l'heure ou tu demandes n'importe quoi. C'est vrai qu'on te regarde comme un pestiféré parce que voilà, t'es pas la même moyenne que les gens normaux. Ce que je dis, les gens normaux, c'est les gens qui ont un petit confort. Et qu'ils ont oublié simplement le seul mot qui existe dans la société, qui devrait encore exister du moins, mais qui existait à l'époque, c'est le mot partage. Faut pas oublier que d'un côté, tout simplement, on est des humains de la planète créés par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pour certains, ça leur est égal. Pour d'autres, c'est faux. Et pour d'autres, comme moi-même, moi je veux dire, si on est sur Terre, c'est un bouquin qui a été écrit. Et ce bouquin-là, bah tout simplement, toute expérience qu'on doit apprendre doit être bonne à prendre. Il y en a qui le prennent. Et ça, tu vois, j'en trouve beaucoup de moyens en tant que personne qui est sans logis. Je me prends à une cause que depuis 8 ans que je me bats, depuis que je suis à la rue. Ça fait 8 ans que je me bats pour tous les copains qui sont décédés, pour tous les copains qui sont à la rue, pour tous les copains qui ont des problèmes de santé ou autre chose. Et à ce temps-ci, quand je vois que la société est entièrement incapable de s'occuper d'aller simplement une journée ou 2 heures ou 3 heures simplement pour soutenir les réfugiés migrants ou même venir discuter avec une personne à la rue qui a installé son matelas. Il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça. À ce temps-ci, à ce que je vois, l'appel par rapport aux maraudes se passe beaucoup plus et à ce temps-ci, comme on peut voir chaque après-midi, c'est des petits jeunes étudiants qui n'ont pas cours à ce moment-là et qui font une tournée de café, de chocolat, de ceci, de cela. Mais ça, c'est suite à un appel. Faut pas oublier que chaque année, là, cette année, faut pas oublier une chose. Ça va être le froid, beaucoup pire que d'habitude. C'est-à-dire une personne à la rue, il y en a déjà un cette année, en hiver. Et il y en aura encore d'autres, parce que l'hiver, il va devenir sec et humide en même temps. C'est-à-dire que tout simplement, des morts dans la rue, il y en a plein. Mais il n'y a pas que ça. Faut pas regarder que ça. Faut que tout simplement tendre la main à celui-là qui en a besoin. Et lui dire, au lieu de te donner de l'argent, bah viens à la maison, tu manges. Viens prendre une douche, viens dormir. Et c'est ça la solution de la nouvelle société qui devrait avoir. Une solution de partage. Une solution de se regarder comme un être humain, mais pas comme un animal. Parce que quand on peut voir que maintenant, cette société, comme on nous regarde, mais c'est honteux. Même pour demander l'heure, vous êtes à la rue, vous demandez l'heure, vous savez ce qu'on vous dit? J'ai pas le temps. Vous demandez un bonjour, c'est même pas on vous regarde. Alors, franchement, moi je dis, c'est pas être désolé pour les gens, c'est surtout simplement de pouvoir se dire que c'est simplement la société du capital qui est désolée pour nous. Et elle est vraiment désolée de cette société. Si maintenant on peut jouer sur cette société et que tout simplement retourner sur la société, que tout simplement, même si on a de l'argent ou pas, ben on se regarde comme nous on est. Simplement. Parce qu'il y a un thème qui dit regarde devant ta porte avant de balayer chez les autres. Et ça veut dire beaucoup de choses. Pour rester dans à peu près sur le même sujet, je voudrais vous faire partager de quelque chose que j'ai été témoin personnellement ici, place de la République. Il se trouve qu'il y a une semaine, il pleuvait comme ça à peu près, et j'avais un petit creux, je me suis dit tiens, je vais aller au fast-food au McDonald's. J'arrive au McDonald's, je commande un coca, un hamburger, je m'assois et j'avais une belle vue de l'extérieur sur le trottoir et je vois un type en train de tirer une baloche, ses effets personnels, dans une baloche, il pleuvait. Le gars, il était en train de tirer sa baloche, et j'étais en train d'observer la scène. Il arrive sur le trottoir, et il essaye d'interpeller deux ou trois personnes, à mon avis, ce que j'ai compris, c'est qu'il voulait passer un coup de fil. Le type, il s'est fait refuser à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il fait? Il fonce dans le McDo, il rentre dans le McDo, et il regarde vers le mur, vers le bas. Et j'ai compris qu'il était en train de chercher une prise électrique. Le gars cherche sa prise électrique, et en même temps qu'il est en train de chercher la prise électrique, il s'arrête devant un client. Il y avait la mère. Je dis bien, la mère, donc l'époux, l'épouse, les deux enfants et la belle-mère. Ils étaient assis sur une grande table. Et le monsieur, il arrive, donc gentiment, excusez-moi, il pleut dehors, mon téléphone, la batterie est complètement vide. Est-ce que ça ne vous dérange pas de me passer un petit coup de fil pour moi? Et le type, il lui a répondu, ah ben désolé, hein, moi aussi ma batterie elle est vide. J'ai entendu ça, et pourtant j'avais un petit téléphone. J'ai dit, ma batterie elle est vide, mais s'il peut passer un coup de fil, bon, je l'appelle, je lui dis, tiens, c'est pas grave, la batterie elle est vide, je te préviens, mais essaye de passer ton coup de fil. Le type, il prend le téléphone, il passe un coup de fil, ouais écoute, il pleut, il me dit, ça te dérange pas de composer le numéro pour moi, je compose le numéro pour lui. Il dit, ouais, plus dehors, viens me chercher, je suis devant le McDo. Ok, paf. Un quart d'heure après, le type, il arrive, et la famille en question, le mec qui avait refusé de passer son portable, en question, quand il s'est levé, toute la famille s'est levée pour partir, je vois le mec en train de crier une clope dehors, et au moment où il rentre, je lui dis, écoutez, c'est quand même bizarre, regardez votre statut social. Regardez comment vous êtes. Vous êtes accompagné de votre famille. Cette personne ne vous a pas demandé de l'argent. Il vous a juste besoin de passer un coup de fil. Et même ça, vous avez été incapable. Je lui dis, mais vous êtes incroyable. Je lui dis, jamais j'aurais pensé de rencontrer une personne comme vous. Et bien là, la preuve est faite. Et c'est pour ça que je vous dis à tous, on a basculé dans un monde de l'individualité. Qu'on le veuille ou pas. Et ça, il va falloir qu'on essaye de combattre ça intelligemment. Parce que c'est pas normal qu'une personne ait eu besoin de l'aide juste pour un coup de fil. Il a même pas demandé de l'argent, il a même pas demandé quoi que ce soit, ni à manger rien. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez passer un coup de fil s'il vous plaît, ma batterie elle est naze. Le mec il a pas voulu. J'ai été franchement transporté dans... Mais je me suis même plus rendu compte que j'étais dans le McDo, tellement que j'étais en colère. Voilà. Ouais, merci, je comprends. D'ailleurs, et ça laisse beaucoup penser sur quel exemple on laisse un peu aux enfants. Je suis désolé, Khaled, c'est à toi de parler après, mais il y a... Vas-y, Sylvain, je te laisse. En fait, j'ai un petit point technique, ça va prendre 2 minutes. En fait, on a un collègue d'Écologie Debout qui nous a ramené une banderole en soutien... à des copains qui se battent contre un truc de pétrole aux États-Unis. C'est ça le truc que j'ai compris. Donc non, c'est un combat. Et en plus, c'est assez chaud en ce moment parce que je pense qu'ils se font... Il y a de la répression de folie sur eux. Ils se font massacrer, voilà. Donc je vais vous demander juste en fait, de se réunir autour de la banderole. On va prendre une photo et on va leur envoyer pour leur dire que voilà, Paris République, Écologie Debout, un petit peu Nuit Debout et un peu du pop etc., etc., bah, les soutiens, voilà. Et en plus, je suis pas sûr que l'élection du dernier président soit vraiment en leur faveur. Et je pense que ça va être encore pire. Donc je pense qu'ils vont avoir vraiment besoin de soutien et de câlins. Et en plus, on a récupéré... Attends, on va pouvoir faire un peu de la parité. Juste comme ça, on va continuer le débat après. Hein. Vous en fuyez pas. Il faut qu'on aille tous devant la bâche, s'il vous plaît. Enfin, la bâche. Devant la pancarte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et non. Voilà. Donc, si vous voulez bien revenir sous la bâche, messieurs. Donc. S'il vous plaît. Donc c'est notre dernier samedi avant le mois de mars prochain sur cette place. Oui, je sais, je vois tes yeux tristes. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on en aura fait des choses avec du pop, n'empêche, depuis le 31 mars. Pouf. Ben on va continuer, effectivement. Oui, il suffit de se couvrir. Ben c'est ce qu'on fait actuellement. Mais après, c'est pour les gens, en fait. Moi, j'aime beaucoup cette banderole, en fait. Ce que vous voyez pas, c'est avec la statue de la liberté, carrément. Moi, je m'enflamme. La statue de la République, c'est joli, derrière. Si vous voulez bien reprendre le débat, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hervé. Monsieur. La démocratie pour le peuple. Ah. Merci. Merci, merci. Bonjour. Salut les copains. Alors, on vous propose de venir, du coup on a une bâche pour nous protéger, en plus il y a un beau message dessus. Alors, qui était le modérateur et qui veut... Voilà, je retends le micro au modérateur, encore merci beaucoup pour cette petite action et désolé pour le coupage. C'était à quel... Donc oui, c'était à propos des causes, quoi. Tu disais qu'une des causes c'était que la cause c'était l'individualité. Moi je dirais que c'est une des causes, un facteur, enfin je sais pas ce que t'en penses, quoi, évidemment c'est à débattre. Parce que moi je pense qu'il y a une cause qui est aussi super importante, c'est qu'on n'arrête pas de nous dire, les médias, les politiques, les journalistes, qu'on est en démocratie et les gens ils croient qu'on est en démocratie, et en fait on n'est pas en démocratie parce qu'on choisit pas les gens pour qui on vote. Et une fois qu'ils sont élus, ils peuvent promettre le contraire de ce qu'ils ont fait. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Et c'est un mensonge qui fonctionne parce que j'étais encore dimanche soir à Nuit Debout à Éducation Populaire. J'écoutais des gens qui étaient des spécialistes en plus de la question de démocratie, puisqu'ils nous parlaient de sociocratie, d'holocratie, enfin de choses très intéressantes. Puis à la fin, ils ont terminé par leur débat par nous dire que la démocratie représentative, c'était une forme de démocratie, quoi. Alors qu'en fait, c'est pas du tout une forme de démocratie, c'est un mensonge. Et voilà, quoi. C'était juste pour dire que le fond, et personne n'a répondu en plus à ça, quoi. Personne, ça a choqué personne. Donc voilà, quoi. Je pense que le mensonge fonctionne. Et puis bon, c'est pas un hasard. Hein. Si les milliardaires, ils achètent des médias, hein, c'est pas par hasard. Hein. C'est pour évidemment participer au choix des politiques, parce que le peuple choisit pas les politiques, hein, on nous les impose, on nous dit vous choisissez entre telle et telle personne, puis une fois, comme je disais tout à l'heure, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils peuvent promettre le contraire de ce qu'ils ont fait. Donc est-ce que c'est pas ce mensonge qui fonctionne? On fait croire qu'on est en démocratie alors qu'on ne l'est pas. Qu'est-ce que tu en penses? Au niveau de la démocratie, déjà, j'estime que pour tout citoyen qui a un revenu, je dis bien, pour tout citoyen qui a un revenu, je trouve que c'est tout à fait normal qu'on donne sa pièce dans l'intérêt collectif de la population ou du peuple. C'est ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu. Mais si on est en démocratie, on devrait tous payer proportionnellement en fonction de nos revenus et non pas laisser une minorité de personnes ou la classe moyenne de payer un impôt sur le revenu, un impôt très fort, et alors qu'il y a des pays qui contournent ce système et vont même placer leurs capitaux à l'étranger pour pas qu'il y ait un centime reversé à la population ou à l'État qui doivent financer, c'est ce qu'on appelle le service public. Eh bien, si vraiment il existait la démocratie, c'est en fonction de ce qu'on a. Aujourd'hui, j'ai 100 euros dans la poche. On me dit, monsieur, vous devez donner 1 euro. Ben, je trouve que c'est honorable de participer justement à l'intérêt collectif. Et en même temps, on se voile la face. Les hommes, quand ils sont au pouvoir, se voilent la face. Ils savent très bien, c'est manigancé entre eux. C'est des directives qui ont été signées entre eux, des accords qui ont été signés entre eux dans le dos du peuple. À partir de là, ben, on devrait être sensibilisé d'une manière active et non pas passive. Ne pas rester dans la passivité, laisser faire, regarder avec plénitude de cet environnement. Non, ça ne servira pas à la cause du peuple. Si vraiment on veut que ça marche, puisqu'on doit profiter de cette démocratie et leur montrer qu'il y a une possibilité de changer. En fait, ce que je te disais, c'est que justement, on n'est pas en démocratie. Tu répètes la démocratie. Justement, on n'est pas en démocratie. C'est une fausse démocratie. Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois? Parce que, comme je disais, on ne choisit pas les gens pour qui on vote. Puisque on nous impose des gens, on nous donne des gens. On nous dit, voilà, vous l'êtes pour un tel, pour un tel, pour un tel. Donc, c'est des gens qui sont déjà choisis. Donc, déjà des gens qui sont déjà d'accord avec les milliardaires et les puissances de la finance. Et après, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils proposent des choses et ils peuvent faire le contraire de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils ont promis. Donc, voilà quoi, donc ça veut dire qu'ils font tout ce qu'ils veulent et qu'on n'est pas en démocratie, que ceux qui gouvernent c'est les milliardaires, les banques, ceux qui tiennent les médias. Donc voilà, c'est ce que je te disais, c'est qu'on n'est pas en démocratie et tu dis on est en démocratie, alors je comprends pas. Est-ce que tu penses qu'on est vraiment en démocratie? En tout cas, on a quand même la liberté d'exprimer ses pensées, on a quand même la liberté de penser, on a quand même la liberté de parole, on a quand même la liberté de cette communication. Elle est feutrée dans l'abstinence, elle est feutrée dans le mensonge. Je suis d'accord, je comprends. Mais concernant le sujet que je viens de dire par rapport à tous ces pays, à tous ces ministres, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, justement, on leur permet, pas forcément des ministres, que ce soit Hollande, Sarkozy, j'en passe les meilleurs, ils prodiguent des amendements pour leur protéger. De manière à ce qu'ils commettent, quand ils commettent une faute, ils sont déjà protégés par un amendement. Et bien c'est ça qu'il faut casser. En créant justement cette nouvelle constitution, en inscrivant dans la constitution, à partir du moment qu'un homme d'État qui représente le peuple commet une faute, il doit être sévèrement puni. Il faut que ce soit inscrit dans le marbre. Parce que dans le code pénal, lorsqu'un citoyen commet une erreur ou commet une faute, il est traduit dans la norme, dans la conformité de la justice devant le tribunal. Et bien on devrait faire la même chose pour tous ceux qui soient ministres, parlementaires, députés, tout ce qu'on veut, à partir du moment qu'ils occupent un poste de fonction important, ils doivent être exemplaires, dans le sens qu'ils doivent respecter l'éthique humaine de la profession, les valeurs moraux de cette profession. Et à partir du moment, et à partir du moment qu'ils appliquent ça, eh ben pour moi c'est ça sera l'enjeu gagné. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi la démocratie justement permet justement qu'on puisse faire évoluer les lois dans l'intérêt du peuple. Mais si on reste passive, ça ne fonctionnera pas, ça va rester ici entre nous. Là, ici, entre nous, là, pendant qu'on est en train de discuter. Mais par contre, si on est actif, on fait les choses correctement, on s'appuie sur des directives, des possibilités, des soutiens, là, ça va fonctionner. Enfin, c'est ce que je pense. Il n'y a pas de... Ouais, enfin, je vais prendre un tour de parole, juste, mais après, il n'y a pas de souci. Je passe à Jérôme et après, toi. Ouais, je te repasserai, il n'y a pas de souci. oui, de toute façon, il reste 10 minutes. En fait, bon, mais pour modérer un peu entre les deux, parce que Khaled, voilà ce qu'il veut dire, il n'y a pas de démocratie. Je pense que quand il dit qu'il n'y a pas de démocratie aussi, il pense beaucoup plus à une démocratie directe. Enfin, je pense, mais voilà. C'est peut-être aussi ça qu'ils t'ont répondu quand ils disaient que c'est une forme de démocratie, dans le sens où toi, tu penses à une démocratie directe. Peut-être que quand tu dis que c'est pas une démocratie parce que tu penses à une démocratie directe ou pas du tout. Non, même pas. Même sans dire démocratie directe. Bon, enfin voilà. Mais du coup, je te repasserai vraiment le micro après. Comme ça, tu pourras nous répondre à tous les deux. Ouais. Mais en tout cas, donc je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'en tout cas, on a des espaces où on peut l'exercer la démocratie. Alors certes, comme par contre, ce que tu dis, c'est que ça reste entre nous. Bah entre nous, ça peut. On peut y arriver dans l'entreprise ou dans une association ou dans. Enfin non, dans l'entreprise, ça reste exceptionnel, mais dans une. Non mais si on veut, je veux dire, on peut créer. Parce que j'ai vu un film la semaine dernière, c'est pour ça. Je suis influencé. Mais donc effectivement, c'est unique. Mais dans les associations, je suis certain qu'il y en a. Voilà. Bon, il y a des exceptions où il y a des espaces où non. Ce qu'on fait ici, c'est. Mais en tout cas, c'est ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a des espaces possibles où on peut le faire. Par contre, effectivement, dans le système d'aujourd'hui, et là aussi je suis en retard sur mes devoirs et je regarde les nouveaux chiens de garde seulement hier, j'ai vu que la moitié, je suis désolé. Mais effectivement, j'ai bien vu que, je savais déjà, mais ça montre bien quand même les liens très serrés entre les médias, la politique et puis tout le côté carrière et comme quoi oui, tout ça c'est bien fermé quoi, enfin voilà. Donc ouais, niveau démocratie, ça a l'air chaud. Du coup, tu veux répondre directement peut-être, ouais. Alors, pour pas que je perde le fil sur le sujet, là, un exemple que je peux vous donner, qu'on soit député, qu'on soit un représentant de l'État, qu'on soit l'élu, qu'on soit ministre, il faut que ce soit inscrit dans la Constitution, dans cette nouvelle Constitution, que c'est au peuple qui doit voter, et non pas eux-mêmes voter entre eux. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Une fois que les ministres ont été désignés, ils vont être, toi tu vas être député, toi tu vas être député, ainsi, toi tu vas être le représentant de ceci, de cela. Ça reste entre eux. Justement, c'est ça qu'il faut défaire. Et pour défaire ce nœud, il faut que ce soit inscrit dans la Constitution, dans cette nouvelle Constitution. Et c'est pour ça qu'il faut rassembler un gigantesque rassemblement sur la place de la République, dans la pacificité, dans le calme, dans le respect de chaque personne, qui que ce soit. Et là, partir en direction de tous ces organes d'État, les réquisitionner avec le soutien de la justice de la République, qu'on le veuille ou pas, de toute façon, on aura besoin de cette justice. Et à partir du moment que ce sera inscrit dans la Constitution, vous verrez que les ministres, ils arrêteront de se choisir entre eux. Un coup c'est pas soi, un coup c'est Tartampion, un coup c'est l'autre qui va rester. Comment ils peuvent rester 8 ans, 10 ans au Parlement en touchant un salaire incroyable? Et puis en plus, il y a la cumule des fonctions, c'est ça que je comprends pas. On est dans un chômage massif, et au lieu de donner la priorité de l'emploi pour que la population se sente bien, parce qu'à partir du moment que tu as un revenu, tu es obligé de monter vers le haut, tu ne descends pas. Mais si tu n'as pas de revenu et que tu dis ouais, l'État va s'occuper de moi en attendant le RSA, mais c'est, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est maintenir le peuple dans la pauvreté. Et justement, c'est à nous de sortir de là. On a nullement besoin de l'aide de l'RSA. Il suffit que chaque individu participe à sa manière, à sa façon, à une activité professionnelle qui lui donne des revenus de manière à donner son pays à l'État en tant qu'impôt sur le revenu. Et c'est ça qu'il faut faire. Enfin, je pense. Et surtout, qu'on arrête ce système que les ministres se choisissent entre eux, que les représentants se choisissent entre eux, que les parlementaires se choisissent entre eux en tenant le Parlement, en tenant l'éducation, en tenant l'Assemblée nationale. Ils n'ont jamais quitté ce système. Ils n'ont jamais. Pourquoi ? Parce que pour maintenir le peuple dans la pauvreté. Et justement, toutes ces personnes qui possèdent des capitaux pour faire avancer les choses, il faut les réquisitionner au même titre. Je dis bien, au même titre. Quand tu as un crédit que tu n'es pas capable de payer, on te réquisitionne. On te réquisitionne quoi ? Ben, si tu as acheté une voiture, on réquisitionne ta voiture. Si tu as acheté un bien immobilier, on réquisitionne ton bien immobilier. Et ben, on devrait faire la même chose. Voilà. Ouais, du coup, il reste 5 minutes, donc il y a déjà 2 tours de parole. Ouais. Ben, on a commencé une heure plus tôt, ouais. Voilà. Ouais, en fait, je voulais revenir sur ce que tu as dit. C'était vraiment. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans le sens où. Moi, je le comprends un peu. Tu dis, on a les moyens d'agir. On a les moyens d'agir et il faut se bouger si on veut changer les choses. Dans le sens où, en fait, c'est comme si le peuple ne fait rien, ça deviendra forcément une dictature parce que tu auras toujours les gens qui veulent détenir le pouvoir, qui arriveront au pouvoir et qui feront en sorte que ça se transforme en dictature. Alors que si le peuple bouge, bah, ils seront obligés. Si le peuple est plus fort que ça, ils sont obligés de suivre. Enfin, en fait, après, le peuple, il a plus besoin d'eux. Et eux, ils ont besoin du peuple. En gros, c'est moi, je le comprends comme ça et je trouve ça hyper intéressant. Franchement, voilà. Tu veux répondre ou... Eh ben, pour conclure, je dis bien pour conclure. Enfin, juste un petit mot. Je dirais, au jour d'aujourd'hui, il faudrait que chaque citoyen ait l'abstinence au moment des votes présidentiels de s'abstenir, de ne plus voter. Je dis bien, une conscience collective qui permet à la population française de dire « Eh ben, ça fait depuis des années, des années, des années, on leur a fait confiance, rien n'a changé. Eh ben, pourquoi on irait aux urnes ? On a nullement besoin d'aller aux urnes. Et d'ailleurs, c'est pas à eux d'être représentatifs du peuple, c'est au peuple de décider qui est la représentation, qui va faire quoi, et comment on va le faire, et pour qui on va le faire. C'est comme ça. Et non pas que ça se décide entre eux, justement, à huis clos, sans que la population soit au courant, sans que la population entende de ce qu'ils disent. Il y a ce qu'on appelle du profit entre eux. Donc c'est ça qu'il faut casser. C'est ça qu'il faut casser. Et pour casser ça, il faut que ce soit une loi qui est inscrite dans la Constitution, qui permet au peuple d'agir, comme outil. Parce que si on n'a pas ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais par contre, si on a le soutien de la justice de la République qui dit haut et fort, ça il faut l'inscrire dans le marbre, et qu'on soit citoyen ou pas, c'est ça qu'il faut respecter. Pour la dignité des hommes et des femmes, c'est ça qu'il faut faire. Je le pense. Et dans la dignité, dans le respect, dans le calme. Et on peut le faire. Il suffit de réunir, je dis bien, il suffit de réunir un gigantesque peuple rassemblé à la République. Destination, tous les organes de l'État. Les réquisitionner en même temps, non pas les réquisitionner pour les prendre, les réquisitionner pour les évacuer de là, parce que d'eux-mêmes ils vont pas partir, ils voudront jamais quitter la ruche. L'idée c'est ça, il faut que les Français comprennent à qui ils ont affaire. Parce qu'une fois qu'ils sont sur place, ils votent des amendements, ils votent des lois pour se protéger, pour camoufler leurs intérêts, pour camoufler leurs exactions, leur complicité avec les pays avec lesquels ils sont signataires. Et c'est ça qu'il faut faire, défaire ce nœud. Merci pour ton énergie en tout cas. Oui, absolument, la complicité avec les autres pays, ouais, c'est vrai, parce que les autres pays, c'est pas non plus des démocraties, c'est le même système, donc est-ce qu'il faudrait pas complètement changer le système? Et justement, et que les gens, là, tu parlais que les gens, ils bougent pour changer le système, mais qu'il faudrait qu'en plus, ils continuent à le surveiller, le système, tu vois, parce qu'en fait, il faudrait un contrôle continu pour pas que le système change. Voilà, exactement, des organes de contrôle. Et tu parlais de profession aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement casser la profession et qu'il n'y ait qu'un seul mandat? Comme ça, le pouvoir y tournerait. Et voilà, les politiques, ce ne seraient plus des professionnels, mais juste des gens qui seraient là, un seul mandat. Voilà. Et puis tu parlais aussi de pauvreté, etc. Là, et ces gens, ils cumulent les mandats. Donc il faudrait aussi supprimer, comme tu le disais, le cumul des mandats. Parce que non seulement il y a du chômage et ces salopards, eux, ils volent de l'argent au peuple en cumulant les mandats, quoi. Voilà, voilà, et ils le font tous, tu vois. Et comme tu dis, c'est eux qui font les lois, donc ils se les font pour eux-mêmes. Donc ouais, faudrait les virer, absolument, et puis il faudra un contrôle continu. Et puis voilà, quoi, faudrait changer le système, parce qu'on n'est pas dans une démocratie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Merci pour ton intervention. Je suis d'accord, hein, merci. Ça fait du bien de refaire le monde comme ça, avant de... en 5 minutes, comme ça, ça faisait longtemps. Quelqu'un, non, d'autres, un dernier mot, ou on s'arrête là? Tu veux encore dire quelque chose, non ou... Non. Ouais. Non, c'est juste qu'en fait, je trouve ça un truc très intéressant. Très souvent, on dit les révolutions, est-ce qu'on prend l'aide de l'armée, est-ce qu'on prend l'aide de la force? Et là, tu dis, on prend l'aide de la justice. Et je trouve ça génial, en fait. Parce que c'est juste une évidence, mais je sais pas si ça a déjà été fait comme ça. Je ne crois pas non plus. Et c'est vrai qu'on a quand même cette possibilité en France, parce qu'on a quand même une justice qui fonctionne et qui est quand même assez... qui peut remettre en cause aussi le système. Enfin, on voit d'ailleurs qu'il y a eu, il y a 2 jours, l'État qui a été condamné par rapport au contrôle aux faciès. Voilà, c'est des choses qui montrent que la justice, on peut lui faire confiance. Donc, si la justice, demain, est de notre côté... Le gouvernement, en effet, on n'en a pas besoin. Merci beaucoup, beaucoup. Donc voilà, merci Hervé pour cette intervention. Bah, du coup, cette journée éduc-popienne s'achève. S'achève comme ça. Du coup, voilà, comme ou comme si, comme tu veux. Du coup, donc la semaine prochaine... alors on est là demain de toute façon, donc en fait on dira demain ce qui se passe la semaine prochaine, on va faire comme ça plutôt. Demain nous sommes là à 14h, oui c'est ça, 14h, merci.